Unité 16. Conversation. Écoutez. Antoine, quand prends-tu tes vacances cette année? Je finis le 27 juin et nous allons à la campagne en juillet. Ta femme n'a pas encore fini à l'école? Non, les examens finissent le 5 juillet. Où allez-vous en juillet? Nous avons loué une maison près de Chenonceau. Répétez. 1. Antoine, quand prends-tu tes vacances cette année? 2. Je finis le 27 juin et nous allons à la campagne en juillet. 3. Ta femme n'a pas encore fini à l'école. 4. Non, les examens finissent le 5 juillet. 5. Où allez-vous en juillet? 6. Nous avons loué une maison près de Chenonceau. 7. Antoine, quand prends-tu tes vacances cette année? 8. Je finis le 27 juin et nous allons à la campagne en juillet. 9. Ta femme n'a pas encore fini à l'école. 10. Non, les examens finissent le 5 juillet. 11. Où allez-vous en juillet? 12. Nous avons loué une maison près de Chenonceau. Écoutez. La petite ville de Chenonceau se trouve sur les bords du Cher. Elle est célèbre par son château. De nombreux touristes prennent leurs vacances ici. D'ici, on peut aller visiter d'autres châteaux de la Loire. Répétez. 13. La petite ville de Chenonceau se trouve sur les bords du Cher. Elle est célèbre par son château. 15. De nombreux touristes prennent leurs vacances ici. 16. D'ici, on peut aller visiter d'autres châteaux de la Loire. Répondez, répétez. 17. Où se trouve la petite ville de Chenonceau? 18. La petite ville de Chenonceau se trouve sur les bords du Cher. 19. Pourquoi est-elle célèbre? 20. Elle est célèbre par son château. 21. De nombreux touristes prennent-ils leurs vacances ici? 22. Oui. De nombreux touristes prennent leurs vacances ici. 23. Que peut-on aller visiter d'ici? 24. D'ici, on peut aller visiter d'autres châteaux de la Loire. Écoutez. 25. Robert, à quelle heure penses-tu partir? 26. Finissons vite les bagages et quittons Paris avant 4 heures. 27. Mais pourquoi es-tu si pressé? 28. Je veux partir avant la sortie des bureaux. 29. Que fais-tu donc? 30. Je ne réussis pas à fermer la valise. Aide-moi. Répondez, répétez. 31. Robert, à quelle heure penses-tu partir? 32. Finissons vite les bagages et quittons Paris avant 4 heures. Mais pourquoi es-tu si pressé? 34. Je veux partir avant la sortie des bureaux. 35. Que fais-tu donc? 36. Je ne réussis pas à fermer la valise. Aide-moi. Écoutez. 37. Paul, Marie, vous finissez de vous disputer? 38. Oui, maman. 39. Qu'y a-t-il à faire? 40. Vous obéissez à votre père et vous prenez les bagages. 41. Qu'est-ce qu'il y a à faire, papa? 42. Paul, tu prends cette valise-ci. 43. Et moi, papa, qu'est-ce que je prends? 44. Marie, prends ce sac-là. Répétez. 45. Paul, Marie, vous finissez de vous disputer? 46. Oui, maman. 47. Qu'y a-t-il à faire? 48. Vous obéissez à votre père et vous prenez les bagages. 49. Qu'est-ce qu'il y a à faire, papa? 50. Paul, tu prends cette valise-ci. 51. Et moi, papa, qu'est-ce que je prends? 52. Marie, prends ce sac-là. Répondez, répétez. 53. Paul, Marie, vous finissez de vous disputer? 54. Oui, maman. 55. Qu'y a-t-il à faire? 56. Vous obéissez à votre père et vous prenez les bagages. 57. Qu'est-ce qu'il y a à faire, papa? 58. Paul, tu prends cette valise-ci. 59. Et moi, papa, qu'est-ce que je prends? 60. Marie, prends ce sac-là. Écoutez. Quand allons-nous visiter les châteaux de la Loire? Tu choisis ton jour. Pourquoi pas vendredi? D'accord. Alors, établissons le programme de la journée. Nous partons le matin de bonne heure? Oui, si nous nous réveillons. Par quel château commençons-nous? Nous pouvons commencer par raser le rideau. Et ensuite, nous réussissons à arriver à Langeais avant midi? Je pense que oui. Oui. À Langeais, il y a les Blancs. Est-ce que nous les avertissons? Oui, avertissons-les et déjeunons avec eux. Pourquoi pas? Répétez. 61. Quand allons-nous visiter les châteaux de la Loire? 62. Tu choisis ton jour. 63. Pourquoi pas vendredi? 64. D'accord. Alors, établissons le programme de la journée. 65. Nous partons le matin de bonne heure. 66. Oui, si nous nous réveillons. 67. Par quel château commençons-nous? 68. Nous pouvons commencer par raser le rideau. 69. Et ensuite, nous réussissons à arriver à Langeais avant midi. 70. Je pense que oui. 71. À Langeais, il y a les Blancs. Est-ce que nous les avertissons? 72. Oui, avertissons-les et déjeunons avec eux. Pourquoi pas? Répondez, répétez. 73. Quand allons-nous visiter les châteaux de la Loire? 74. Tu choisis ton jour. 75. Pourquoi pas vendredi? 76. D'accord. Alors, établissons le programme de la journée. 77. Nous partons le matin de bonne heure. 78. Oui, si nous nous réveillons. 79. Par quel château commençons-nous? 80. Nous pouvons commencer par raser le rideau. 81. Et ensuite, nous réussissons à arriver à Langeais avant midi? 82. Je pense que oui. 83. À Langeais, il y a les Blancs. Est-ce que nous les avertissons? 84. Oui, avertissons-les et déjeunons avec eux. Pourquoi pas? 85. Les enfants réussissent à se réveiller à l'heure prévue. 86. Ils finissent de prendre leur petit déjeuner. 87. Monique Pelletier remplit un panier avec des boissons et des sandwiches. 88. Antoine Pelletier fait le plein de sa voiture. 89. La journée s'annonce bien. 90. La météo garantit le beau temps. Répondez. Répétez. 91. Les enfants réussissent-ils à se réveiller à l'heure prévue? 92. Oui, les enfants réussissent à se réveiller à l'heure prévue. 93. Que font-ils maintenant? 94. Ils finissent de prendre leur petit déjeuner. 95. Que fait Monique Pelletier? 96. Elle remplit un panier avec des boissons et des sandwiches. 97. Que fait Antoine Pelletier? 98. Il fait le plein de sa voiture. 99. La journée s'annonce-t-elle bien? 100. Oui, la journée s'annonce bien. 101. Est-ce que la météo garantit le beau temps? 102. Oui, la météo garantit le beau temps.